Texte choisi de Léonard de Vinci, Fable. Traduction par Joséphin Péladan. Lu par Sabine Stéphan pour Audiocité, sous licence Art Libre. La flamme et la chandelle. Une flamme durait déjà depuis un mois dans le four du verrier, lorsqu'elle vit près d'elle une chandelle placée sur un beau et brillant chandelier, et, avec un grand plaisir, elle s'efforça de l'atteindre. Abandonnant son cours naturel et quittant les autres, elle choisit un tisson où elle s'augmente et sort par une petite fissure et se jette sur la chandelle qui était voisine et, avec avidité et gloutonnement, la dévore jusqu'à la consumer. Voulant ensuite parer au prolongement de sa vie, elle tente de retourner au four d'où elle était partie, mais elle mourut et s'éteignit avec la chandelle. Enfin, avec plaintes et pétillements, elle se résolut en détestable fumée, tandis que toutes ses sœurs, les autres flammes, resplendissaient de longue vie et de beauté. Fausse splendeur. L'étourdi et vagabond papillon ne se contenta pas de pouvoir commodément voler dans l'air. Il vint à l'attirante flamme de la chandelle, résolu à voler sur elle, et son joyeux mouvement fut suivi d'une subite douleur. À cette lumière, ses délicates ailes se consumèrent, et le malheureux insecte tomba brûlé au pied du chandelier. Après beaucoup de plaintes et lamentations, il essuie les larmes qui baignent ses yeux, et levant son visage dit « Ô trompeuse lumière, combien comme moi, tu dois avoir déjà abominablement trompé. Oh, j'ai voulu voir la lumière. Ne devais-je pas discerner le soleil de la fausse lueur du sale suie ?» La flamme et la marmite. Un peu de feu, qui dans un petit charbon s'était caché, sous la cendre tiède, se jugeait avec dépit dans une situation misérable. Quand la femme de la cuisine, pour faire sa nourriture habituelle, survient et pose le bois dans le foyer et ressuscite avec le soufflet une petite flamme et sur les bouts du bois apporté, elle pose la marmite sans s'inquiéter si elle est bien d'aplomb. Alors, ranimée, le feu prend au bois sec et commence à s'élever. Chassant l'air des interstices du bois, qu'il remplit avec force et joyeux passage. Il commence à souffler aux interstices du bois comme si c'était des fenêtres faites à souhait et pousse au dehors des flammes longues et rutilantes, éclairant soudain les ténèbres de la cuisine fermée. Avec joie, la flamme déjà croissante joue avec l'air qui l'entoure et comme chante avec un doux murmure, fait un joli son. Le feu, réjoui par le bois sec trouvé dans le four et par lequel il s'est réveillé, commence à folâtrer en ses petites flamèches et, de moment en moment, par les interstices qu'il trouve dans le bois, il tire à soi, courant entre les bois, joyeux et passant gaiement, il commence à souffler et apparaît aux intervalles supérieurs du bois comme à des fenêtres propices de temps en temps. Déjà, il apparaît au-dessus du bois, accru et assez vif, et commence à lever son esprit doux et tranquille jusque-là, en enflure et insupportable orgueil, faisant comme s'il croyait attirer tout le superbe élément sur le peu de bois. Et il commence à souffler et à coups d'étincelles d'une façon pétillante tout autour du foyer. Déjà, la flamme, devenue grosse, se divisait sous la pression de l'air quand, plus haute, parcourant la marmite du fond au bord supérieur. Qui s'humilie sera exalté. Un peu de neige se trouvait sur la cime d'un rocher formant la dernière cime d'une très haute montagne, et se recueillant en ses imaginations, elle commence à se comparer à la montagne et à se dire à elle-même : « Je ne dois pas me juger altière et superbe. petit peu de neige placé en ce haut lieu et supporter qu'une telle quantité de neige que je vois soit située bien en dessous de moi. Ma petite quantité ne mérite pas cette altitude qui peut bien, par le témoignage de ma petite figure, connaître celle que le soleil faisait hier à mes compagnes qui, en peu de temps, furent fondues par le soleil. Et cela leur est arrivé parce qu'elles étaient placées plus haut qu'il n'était nécessaire. Je veux fuir la colère du soleil et m'abaisser et trouver un endroit convenable à ma petitesse. Elle se jette en bas et commence à descendre, roulant de la roche élevée sur l'autre neige. Plus elle cherche un lieu bas, plus sa quantité s'accroît, de telle façon qu'au terme de son cours sur une colline qui se trouve guère moins grande que celle qu'elle soutient, ce fut la dernière neige que dans ce lieu le soleil fondit. Cela enseigne que ceux qui s'humilient seront exaltés. La boule de neige, plus elle roule et descend la montagne de neige, plus elle augmente de volume. Le rasoir. Sortant un jour du manche qui lui fait une gaine, le rasoir, placé au soleil, vit l'astre se refléter sur lui. De cela, il prit grande gloire et se révolta en pensée et commença à se dire « Je ne retournerai plus à cette boutique dont je viens de sortir. Certes non, ne plaise à Dieu qu'une si splendide beauté tombe en telle vileté d'âme. Quelle place, celle qui me conduit à raser les barbes ensavonnées de vilains rustres et de faire un office mécanique. Suis-je fait pour semblable exercice? Certes non. Je veux me cacher dans quelque lieu secret et y passer ma vie en parfait repos. » Et ainsi, il reste caché pendant quelques mois, et un beau jour, revient à l'air et se dresse hors de sa gaine, et il se voit semblable à une scie rouillée. Et sa surface ne reflétait plus le splendide soleil. Avec un vain repentir, il déplore son irréparable dôme, se disant « Oh, comme il valait mieux exercer chez le barbier mon fin tranchant maintenant perdu. Où est l'éclat de ma surface? L'implacable et brutale rouille l'a dévoré. Il en advient de même aux esprits qui quittent l'exercice pour se donner à l'inertie. Comme ce rasoir, ils perdent le tranchant de leur subtilité et la rouille de l'ignorance les déforme. » L'agitation. Le torrent apporta tant de terre et de pierres dans son lit qu'il fut contraint de changer son cours. Le papier et l'encre. Se voyant tout mâchuré par la noirceur épaisse de l'encre, le papier se lamente. Mais elle lui montre que les paroles qui sont tracées sur lui seront une raison de sa conservation. La pierre. Une pierre, de belle grandeur, se trouva couverte par l'eau. Elle était située à un endroit relevé où elle terminait un charmant bosquet au-dessus d'un chemin rocailleux parmi les herbes et les fleurs aux couleurs variées. Elle voyait la grande quantité de pierres qui se trouvaient placées sur le chemin. Le désir lui vint de se laisser tomber, se disant à elle-même « Que fais-je parmi ces herbes? Je veux être en compagnie de mes sœurs. » Et elle se laisse tomber et vient rouler dans la compagnie désirée. Au bout de peu de temps, les roues des voitures, les pieds ferrés des chevaux et ceux des passants ne la laissaient pas en repos. Ce fut à qui la pousserait, la frapperait, et parfois elle perdit des morceaux. Quand elle fut couverte de boue et de la fiente des animaux, elle regarda avec regret l'endroit qu'elle avait quitté, ce lieu de la solitude et de la tranquille paix. Cela arrive à ceux qui veulent sortir de la vie solitaire et contemplative pour habiter dans la ville, parmi le peuple, parmi d'infinis maux. l'eau. Se trouvant dans la superbe mer, son élément, l'eau vint à ambitionner de s'élever au-dessus de l'air et, aidée par le feu élémentaire, elle monta en subtile vapeur et parut aussi subtile que l'air. En s'élevant, elle atteint une zone plus subtile et plus froide, où le feu l'abandonne, et les petits grains restreints déjà s'unissent et se font pesants, et en tombant, l'orgueilleuse coule. Elle tombe du ciel. Elle fut la bienvenue pour la terre sèche où, absorbée pour longtemps, elle fit pénitence de son péché. Le châtaignier et le figuier. Le châtaignier, voyant l'homme sur le figuier, pliant ses branches à l'envers, en arrachant les fruits mûrs et les mettant dans sa bouche ouverte, les ouvrant et mangeant à belles dents, agita ses longs rameaux et dit avec un bruissement tumultueux « Oh, figuier, comme la nature t'a moins bien traité que moi. Vois comme mes doux fils sont préservés. D'abord, vêtus d'une fine enveloppe sur laquelle la peau ferme et résistante est placée. Et non content du bénéfice que leur donne leur forte écorce, au-dessus d'elle, des épines fortes et pointues empêchent la main des hommes de leur nuire. » Alors, le figuier se mit à rire avec ses fils, et quand il eut fini, il répondit « L'homme est d'un tel esprit qu'il te récolte avec les gaules, les pierres et les serpes fourrages dans tes rameaux, faisant peu de cas de tes fruits qui, tombés, sont foulés aux pieds avec des cailloux, de façon qu'ils sont écrasés et arrachés de leur armature. Moi, on me prend soigneusement dans les mains, tandis qu'on t'aborde avec le bâton et les pierres. » Mauvaise compagnie. La vigne vieillit sur le vieil arbre, tomba en même temps que lui et fut entraînée par son triste compagnon dans la même ruine. Le saule qui, par ses longues frondaisons, veut croître jusqu'à dépasser toute autre végétation, pour avoir fait compagnie avec la vigne qui chaque année se boit, fut encore estropié. Le troène et le merle. Un troène sentant sur ses subtils rameaux remplis de fruits nouveaux les coups de griffes et de bec d'un merle importun, se désolait avec piteux reproche contre ce merle et lui demanda pourquoi il lui prenait ses fruits délicats et au moins qu'il ne le privât pas de ses feuilles qui le défendaient des rayons trop chauds du soleil et que son ongle aigu n'excoriât pas son écorce. À cela, le merle vilainement répondit « Tais-toi, sauvage rejeton, ne sais-tu pas que la nature te fait produire ses fruits pour me nourrir? Ne vois-tu pas que seul au monde je me sers de cet aliment? Tu ne sais, vilain, que tu seras au prochain hiver l'aliment du feu. » L'arbre écouta ces paroles patiemment, mais non sans larmes. Peu après, le merle fut pris en déret, et on coupa des rameaux pour faire une cage et enfermer le merle. Un bout des branches forma les barreaux de cage, qui firent perdre la liberté à l'oiseau. Et le troène lui dit « Ô merle, je ne suis pas encore consumé par le feu, selon ton dire. Je te vois d'abord prisonnier, toi qui m'as rongé. » La noix et le mur. Une noix, portée sur un haut clocher par une corneille, tomba, libérée du bec mortel. Elle pria le mur au nom de la grâce que Dieu lui avait faite d'être si haut et enrichie d'une si belle cloche, d'un si beau son, de la secourir, puisqu'elle n'avait pu tomber sous les rameaux verts de son vieux père et dans la terre grasse recouverte par les feuilles qui tombent, qu'il veuille ne pas l'abandonner. Après s'être trouvée dans le bec de la fière corneille, changeant d'existence, elle désirait finir sa vie en un petit trou. Émue et compatissant à ses paroles, le mur fut contraint de la garder à l'endroit où elle était tombée. En peu de temps, le noyer commença à pousser et à glisser ses racines entre les fissures des pierres et à allonger des rameaux hors de son trou, et ses branches bientôt s'élevèrent au-dessus de l'édifice, et les racines noueuses ayant grossi se mirent à ouvrir le mur et à chasser les pierres antiques de leur emplacement. Alors le mur, trop tard et en vain, comprend la raison de son malheur et, en peu de temps, il voit la ruine de la plus grande partie de ses membres. Le paysan et la vigne. Voyant l'utilité de la vigne, un paysan lui fait beaucoup de tuteurs pour la soutenir, et le fruit cueillit, il enlève les perches et la laisse tomber, et fait du feu avec les tuteurs. Le saule et la citrouille. Le saule s'estimait malheureux de ne pouvoir jouir du plaisir de voir ses fins rameaux arriver à la grandeur désirée. Attesta le ciel, à propos de la vigne et autres plantes voisines, qu'il était sans cesse estropié, dérangé et gâté. Rassemblant tous ses esprits et donnant un âpre cours à son imagination longtemps passive, il recherchait quelle plante il pouvait s'allier qui n'eût pas besoin de ses liens, et comme il était dans ses cogitations, le cours de ses pensées l'amena à la citrouille. Dans l'allégresse d'avoir trouvé la compagnie désirée, il agita ses rameaux, car la citrouille est moins apte à rattacher les autres qu'à être attachée. Ayant délibéré, il dressa ses rameaux vers le ciel, attendant quelque obligeant oiseau qui lui servit à réaliser son désir. Bientôt, il aperçut une pie. « Gentil oiseau, je te prie, au nom du secours que tu as trouvé un matin de ces derniers jours dans mes branches, quand le faucon affamé, cruel et rapace te voulait dévorer, et par le repos que tu as goûté sur moi quand tu as senti le besoin de fermer tes ailes, et pour les plaisirs que tu as goûtés sous mes feuilles avec ta compagne à la saison des amours, je te prie donc d'aller trouver la citrouille et de lui demander de sa semence, que je la traiterai comme si elle était générée par mon corps. Use de tous les moyens de persuasion, et je n'ai pas besoin de te faire la leçon, à toi qui es maître dans l'art de parler. Si tu fais cela, je recevrai ton nid à la naissance de mes rameaux avec toute la famille, sans paiement d'aucune sorte. » Alors, la pie, ayant pactisé avec le sol et arrêté d'autres points, plus que serpent et fouine, si elle n'acceptait pas, haussa la queue et baissa la tête et, quittant les branches, rendit son poids aux ailes. En battant l'air d'ici et de là, curieusement, et se dirigeant avec le timon de sa queue, elle parvient à la citrouille et, avec un beau salut et de bonnes paroles, demande la semence désirée. Revenue vers le sol, qui la reçut avec joie, elle remua un peu la terre au pied de l'arbre avec son bec et planta autour de lui la graine. Celle-ci bientôt crut, enveloppa de ses rameaux toutes les branches et avec ses grandes feuilles cacha la beauté du ciel et du soleil. Et ne s'arrêtant pas là, la citrouille, par l'augmentation de son poids, commença à tirer la cime des tendres rameaux vers la terre, les torturant et les distendant. Alors, le sol se secoua et s'agita pour faire lâcher prise à la citrouille. Mais les jours se passèrent en vains efforts, car la ligature était si forte que c'était impossible de la rompre. Voyant passer le vent, le sol lui demanda de souffler très fort. Alors, le tronc du vieux sol s'ouvrit en deux jusqu'à ses racines, tomba en deux morceaux. Et alors il se rendit compte qu'il n'était pas né pour un meilleur destin. Le chien et la puce. Un chien dormait sur la peau d'un chevreau. Une de ses puces, à l'odeur de la laine grasse, juge que ce doit être un meilleur lieu pour vivre et être à l'abri des dents et des ongles du chien, et sans autre pensée abandonne le chien. Entrée sous la laine épaisse, elle commence avec grande fatigue à vouloir atteindre la racine des poils. Avec beaucoup de sueur, elle la trouve sèche parce que ses poils avaient été tant pressés qu'ils se touchaient, et il n'y avait pas une place où la puce pût entamer la peau. Après beaucoup de travail pénible, elle veut retourner à son chien. Il était parti. Elle fut contrainte, après une longue souffrance et d'amers regrets, à mourir de faim. La guenon et l'oiselet. Trouvant un nid de petits oiseaux, la guenon toute contente s'empresse. Ils étaient en état de voler. Elle ne garda que le petit. Pleine d'allégresse, elle le prit dans ses mains et alla à son gîte et se mit à considérer l'oiselet et à le baiser. Et par ardente tendresse, elle le baise tant et l'étreint de sorte qu'elle l'étouffe. Ceci est dit pour ceux qui, ayant mal corrigé leur fils, ceux-ci finissent mal. La souris, la belette et le chat. Assise en face de la petite habitation d'une souris, la belette, avec une continuelle vigilance, attendait sa mort. Par un petit soupirail, la souris regardait son grand péril. Sur ses entrefaites, arrive une chatte qui se jette sur la belette et aussitôt la dévore. Alors, le rat fait un sacrifice à Jupiter de quelques-uns de ses noyaux et remercie avec effusion la divinité et sort hors de son réduit pour jouir de sa liberté. Soudain, elle lui est ravie, avec l'existence, par les ongles féroces et les dents de la chatte. L'araignée et la grappe. L'araignée, trouvant une grappe de raisin dont la douceur attirait les abeilles et diverses espèces de mouches, crut avoir trouvé un endroit très propice à ses embûches. Elle tissa avec son mince fil et entra dans sa nouvelle habitation. Et tous les jours, à travers les spirales placées entre les grappes de raisin, elle enserrait comme un larron les misérables bestioles qui ne se méfiaient pas. Les jours passèrent, le vendangeur cueille la grappe et l'araignée avec. Ainsi, le raisin fut le lac et l'embûche de l'araignée, comme il l'avait été des mouches. L'huître, le rat et la chatte. L'huître, mêlée aux autres poissons dans la main du pêcheur, voulut rentrer dans la mer et pria le rat de la conduire. Le rat, dans le dessein de la manger, la fit ouvrir et celle-ci lui serre la tête et ferme sa coquille. La chatte survient, qui tue le rat. Le faucon et le renard. Le faucon, ne pouvant supporter sans impatience la cachette que fait le canard, fuyant et entrant sous l'eau, va le suivre et se mouille les plumes et reste dans l'eau. Et le canard se lève en l'air et se rit du faucon qui se noie. L'huître et l'écrevisse. À la pleine lune, l'huître s'ouvre toute, et quand l'écrevisse la voit, elle la guette de quelques pierres. Et l'huître, qui ne se peut fermer, devient la nourriture de l'écrevisse. Ainsi fait quiconque ouvre la bouche et dit son secret et se fait prendre par l'indiscret auditeur. Les grives et la civette. Les grives se réjouissaient en voyant que l'homme prit la civette et lui ôta la liberté, lui liant les pieds avec de forts liens. Cette civette fut ensuite cause, par l'emploi de la glu, que les grives perdirent non la liberté, mais la vie même. Ceci est dit pour ceux qui se réjouissent de voir leurs amis perdre la liberté, ainsi que tout secours, rester liés en la puissance de leurs ennemis, et perdent la liberté et parfois la vie. L'écrevisse. L'écrevisse se tenait sous les pierres pour prendre les poissons qui y entraient. Survint une crue, avec un grand mouvement de cailloux, et leur roulement écrasa l'écrevisse. Les plantes et le poirier. Voyant tailler le poirier, le laurier et le myrte crièrent à haute voix « Ô poirier, où vas-tu ? Où est ton orgueil quand tu portais tes fruits mûrs ? Maintenant, tu ne feras plus d'ombre avec ton épais feuillage. » Il répondit « Je vais avec le jardinier qui me taille et me porte à la boutique du meilleur sculpteur qui, par son art, me fera prendre la forme du dieu Jupiter. Je serai dédié dans le temple et adoré des hommes, à l'égal de Dieu. Et toi, tu te mets en point à rester estropié et privé de tes rameaux, que les hommes disposeront autour de moi pour m'honorer. » Texte choisi de Léonard de Vinci. Fable. Traduction par Joséphin Péladan. Lue par Sabine Stéphan pour Audiocité sous licence Art Libre.